mwen panse a ou Bel mouman te pase Nou te toujou kwet nan l'amou Malgre sa l'patase Mwen ti zanmim ke m'fou pou Ou ti pa ou men bagay Nou pa fè pou nan sam chéri Tout chounen na batay Pagè ou ki te wale Malgre ke m'ap seye chéri Se ou sel fam mwen ve Mwen bouke nan koumen Jwen la fè ak prosperite Lage ou kite wale Konen bab jan bliye ou Nou te bakou de bel zoazo Ki bat ka separe Bel fle bel pawol tap monte Takoun te fiancé Yo di l'amou se pou de nou Men nou bat jan tande Mali jan akou badabe Tap toujou konseye Malgré que m'abseye chéri C'est où c'est le fond mouen vè Mouen bouke nan koumè Mouen souhaite le wale Ou jouen la paix prospérité Lage ou kite wale Konen bab jambliye ou Seye chérie